retrouver demain sur Fun à partir de 13h. Dans moins de 5 minutes, c'est Sec du Fun qui arrive. Nouveauté, New Music, découverte Fun Radio. Avec les deux David. Ah ouais, David et David. C'est un peu comme les Dupont et Dupont de Fun Radio, quoi. Ah, les nouveaux sons de Madcon juste avant. Madcon et Willy Williams sur Fun. Ouais, c'est Keep My Cool. You know I've been. Keep my cool. Fort et toi t'es pas content. Je prends sur moi quand tu prends les devants. Surtout, ça me rend fou. Tu fais ta princesse pour le style. Je me demande si t'es là pour ma maille. Je m'en fous. Mais quand je te vois, je suis censé rester cool. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Bonjour, il est 17h, c'est que du fun jusqu'à 20h sur Fun Radio. Pour m'accompagner, il y a Kaufman. Salut Kaufman. Bonjour. Ça va? Bien et toi? Ouais, attaqué. Il y a également Laurent, ça va Laurence? Ben ça va, Carlo me fait des blagues que je comprends pas en rentrée, mais ça va. C'était quoi la blague? Ben non, je lui ai demandé si c'était pas une reprise de Jacques Brel. Ah ok, la musique de Madcon. Ben, je sais pas. Il y aura le Serre Al Salove dans quelques minutes, mais là c'est l'heure des infos. Fun Radio. Fun. Solde en électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Fun. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hey David, salut à tous. Bonne nouvelle pour les seniors. Le risque pour les personnes âgées de tomber dans la dèche, ce risque donc diminue. Une tendance qui se poursuivra jusqu'en 2050, ce qui m'arrange très bien, tant nous soit dit, vu que je vais pas tarder à être confronté au problème. Bref, ce risque de pauvreté pour les plus de 65 ans est descendu en 10 ans de 23 à 15%. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas plus de risque de sombrer dans la misère pour les pensionnés que pour ceux qui sont en âge de bosser, ou alors un tout petit peu plus. Et puis rien à voir avec le fait que je viens d'évoquer les personnes âgées, mais on va parler d'urine pour suivre et de l'insupportable odeur de pipi qui agresse quotidiennement les usagers de la station de pré-métro Bourse à Bruxelles, une station qui est dans un triste état, hein, faut bien dire ce qui est. Outre cette odeur permanente, on a aussi des traces de vomissures. Bon appétit si vous passez à table, même que plusieurs députés bruxellois viennent d'interpeller à ce sujet le ministre bruxellois de la mobilité Pascal Smet, qui a fait comprendre qu'il faudrait attendre les travaux de rénovation de la station pour que le problème soit réglé. Les travaux qui débuteront l'année prochaine pour s'achever en 2019 seulement. Donc si vous passez par la Bourse, je vous conseille de respirer par la bouche pendant encore 3 ans. À Bruxelles, il est donc question de rénovation. À Liège, ben là c'est plutôt de construction qu'il s'agit, celle d'une grande mosquée rue Émile van der Velde, là où se trouve déjà un lieu de culte musulman en fait, mais le nouveau projet, estimé à 10 millions d'euros sur un terrain de 14 000 mètres carrés, consiste à mettre sur pied ce qu'on appelle une infrastructure multimodale, c'est-à-dire qu'en plus de la mosquée, ben, les nouveaux bâtiments envisagés sont dédiés à des activités sportives ou consacrés à des surfaces commerciales. L'idée est de concevoir un endroit à la portée de tous qui puisse profiter à toute la population. J'ai commencé ce flash par une bonne nouvelle concernant les seniors. Ben, en voilà une qui intéressera les jeunes, comme ça tout le monde sera content. Vous savez sans doute que dans l'enseignement supérieur, si on bénéficie d'une bourse d'études et qu'on souhaite la conserver, ben, il y a intérêt à réussir son année. Ben, désormais, pour ne pas dire dorénavant, c'est fini. Les étudiants issus de milieux modestes en Fédération Wallonie-Bruxelles ne devront plus impérativement réussir pour rester boursiers. Mais bon, bénéficier d'une bourse et réussir ses examens, c'est quand même toujours mieux, évidemment. En football, les Diables Rouges. Oui, je sais, je remue un petit peu le couteau dans la plaie, hein, ça fait très mal. Les Diables Rouges, donc, devraient affronter l'Espagne en amical le 1er septembre au stade Roi Baudouin, même si ce n'est encore rien d'officiel. Une date avec laquelle le sélectionneur Marc Wilmots n'était pas d'accord, parce que trop proche de la fin du mercato et du déplacement des Diables à Chypre pour leur premier match de qualif en vue de la Coupe du Monde. Mais bon, il est peu probable que Wilmots soit encore à la barre à ce moment-là. Et ce match devrait rapporter environ 1 million d'euros, ce qui correspond justement à l'indemnité nécessaire pour le licencier. Comme ça, si vous comptez y assister, vous saurez exactement à quoi servira votre argent. Fun. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant Sarah le Salove, un point sur la météo. Carlo, du soleil, des orages. Non, ça va s'arranger demain. Ah. Voilà, avec un temps sec, alternance de passage de la gelée éclaircie et les températures vont repartir un tout petit peu à la hausse. On devrait repasser au-dessus de la barre des 20 degrés. Il fera encore un peu plus chaud les jours suivants. Voilà, prochain rendez-vous info dans une heure. Je vous laisse en compagnie de David et du son de Kungs. Salut. Fun. Fun Radio. Nos soldes, c'est jusqu'à moins 70% sur une sélection de cuisine d'expo. Cuisine Créfelle. Mon rêve, ma cuisine. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. La radio connectée avec vous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Toute la journée, partout. Fun Radio. Fun Radio. Maintenant, suivez-nous sur tous les réseaux. Fun Radio. Le son Dance Floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Willy William, il se balade à Paris, c'est le son qui arrive. Et maintenant, place au Saral Salove et on va commencer par le love de Laurence. Alors aujourd'hui, moi j'ai grave lové une nouvelle application qui décrypte en fait les produits contenus dans nos aliments. Ouais. Ouais, donc l'application s'appelle Phare et elle a été développée par deux jeunes français et en fait elle est toute simple d'utilisation. Donc il suffit de marquer dans l'application le régime alimentaire qu'on souhaite adopter. Okay. Après, tu vas faire tes courses normalement. Ouais. Et en fait, tu scannes donc l'étiquette du produit et directement il va te dire. Enfin, tous les produits qui sont connus dedans, donc tous les machins qu'on comprend pas et tout, tout est analysé par donc l'application. Et donc c'est super efficace pour vraiment respecter notre régime alimentaire et directement comprendre tous les produits qui sont dedans. Donc moi je trouve ça génial. L'application s'appelle FAR. F-A-R. F-A-R. Très bien. Le Saral de Kaufman. Oui, je vais vous parler de Johnny Depp, idole de toute une génération. On se souvient de lui quand il a commencé dans la série 21 Jump Street. Et ben le monsieur, le jeune homme, il est en train de sombrer, bien que ce soit plus un jeune homme évidemment. Il est dans sale drain, Johnny Depp, sa carrière patine, sa vie sentimentale est quasi ruinée. Il y a quelques semaines, sa femme Amber Heard a demandé le divorce, on en avait parlé ici. Et puis maintenant, il se voit carrément dans l'obligation de revendre sa villa italienne pour payer son divorce. Une vente qui lui a permis quand même d'empocher 10 millions d'euros, donc on va pas pleurer. Mais de là à être une idole et d'en être réduit à vendre sa villa, et puis même physiquement, il a changé. J'aimerais même pas lui ressembler, c'est vous dire. Très bien, dans quelques secondes, on a des cadeaux, faire gagner des cadeaux Smart Toys avec des jeux vidéo, des packs fun et des goodies. Tout ça, c'est après Willy William et Chris Cab. Ils se baladent à Paris, les deux. On est ensemble jusqu'à 20h, c'est que du fun. Capitale, on était là là là. Quelques musiciens me donnaient la mélo. C'est ce qui faisait tout son charme. Quand je chante la la la la la la. Parce que moi je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Paris, Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Je me balade en Paris. Ram pa pa pam, ram pa pa pam pam. of the water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. Touch the ground, touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon every time you are not around. I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Timberlake débarque sur Fun Radio. C'est le moment de jouer avec le combien ça coûte. J'ai un prix en tête, à vous de me dire au 30-44 à quoi il correspond. Le prix du jour, 139 euros. À quoi ça correspond pour gagner des jeux vidéo, des goodies Fun Radio et des packs Fun? Laurence et Kaufmann vont poser des questions pour vous aider. Des questions? On commence par Laurence. Est-ce que ça a une taille particulière? Oui. Est-ce que c'est un objet plutôt masculin ou féminin? Féminin. Est-ce que c'est transportable? Oui, c'est transportable. Est-ce que c'est un objet professionnel? Non. Bah, ça peut l'être, mais non. Est-ce qu'il est dans une pièce particulière de la maison? Oui. Ou... D'accord. Est-ce que les enfants comme les grands s'en servent? Plus les grands. Est-ce qu'il y a plusieurs marques? Oui, il y a plusieurs marques. Est-ce que ça peut... c'est un produit alimentaire? Non, ce n'est pas alimentaire. Laurence. Est-ce qu'il a plusieurs utilités? Non, il n'en a qu'une. Est-ce qu'on l'utilise plus pendant l'été? Non. Pareil, hiver comme été. Une question, Laurence Kaufmann? En patauge. J'ai trouvé déjà la pièce, peut-être. Ah oui, il y a une pièce de nouveau. Ouais. La cuisine? Non, ce n'est pas la cuisine. La salle à manger? Non plus. Le salon? Non. La salle de bain? Oui. Ah. C'est un objet de la salle de bain. Allez-y au 30-44. Est-ce que c'est petit, grand? C'est moyen, quoi. Ça tient dans une main. Ah ouais, ok. Dans une main, on peut le prendre à la main, quoi. Est-ce que c'est un produit de beauté? Oui, c'est un produit de beauté, oui. Ah, ça me parle. Alors, ça peut être quoi? Ce n'est pas du maquillage, on me dit au 3044, non. Un lisseur? Non, ce n'est pas un lisseur non plus. Allez-y au 3044 pour gagner des jeux vidéo, des goodies et des packs fun. On nous propose ici un rasoir électrique. Non, ce n'est pas un rasoir électrique. Ce n'est pas ça. D'accord. Est-ce que, avec cet objet, on l'utilise à un moment précis dans la salle de bain? Oui. On peut l'utiliser tout le temps, ça. Non, non, pas tout le temps. Non, non. Un moment précis, ouais. Donc. Très précis, souvent en sortie de douche, quoi. Et ça concerne donc un endroit particulier de notre corps? Ouais.

The Chainsmokers arrive sur Fun Radio. Et on était dans le jeu du combien ça coûte. Le prix du jour était de 139 euros. Mais à quoi correspond ce prix? Eh bien, j'accueille Gabriel. Salut Gabriel. Salut. Ça va bien Gabriel? Ça va bien et vous-même? Ouais, bien, impeccable. Merci. Autour de la table, ça va. Kaufmann, il est en pleine forme. Et pas également oui. pour Laurence. T'es sur la route là, Gabriel, non? Bah oui, hein, prudent, hein, comme d'hab. Ah, c'est bien. Sauf que toi, Gabriel. Je rentre de Paris, donc voilà. De Paris, carrément. Tu vas faire quoi à Paris? Je suis chauffeur privé, en fait. Donc, ça dépend. Ça dépend de ce qu'on demande, la clientèle, je dois me rendre sur place. Donc, voilà. Si tu peux venir me chercher à 20h en voiture, c'est parfait en tout cas. Ouais, ça va. Vous payez combien? Écoute, ah merde. Écoute, moi je paye en jeu vidéo, donc on doit pouvoir s'arranger. Ah, je plaisante. Tu as dit que ça correspondait à quoi le prix, 139 euros? Alors, je pense que c'est un sèche-cheveux. Attention. Ok. Pour nos dames, oui. Ok, on vérifie, attends. Bravo, c'est bien gagné joué, Gabriel. Bravo yeah. à toi. Tu remportes avec un pack feu Gabriel, bravo. Magnifique, merci. C'est avec plaisir Gabriel, passez une bonne soirée. Ah ben, à vous aussi, portez-vous bien. Merci. Et avec toute l'équipe aille bien, hein. Ça va c'est merci, c'est gentil. Bisous. Bisous, et fais attention sur la route. Hein. Bisous, à bientôt, salut. Pour la suite, il y aura le Fun Beauty, on va parler de quoi Laurence? On va parler des tatoués qui partent en vacances. Ah ok, les tatoués. Eh oui. Ok, dans quelques secondes. Party all night, all summer. Fun. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maëva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Fun Radio. Hey, c'est moi, Hip. En juillet, rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. Remplissez votre carte épargne et à l'achat d'une place dans le parc d'attractions de votre choix, bam, vous recevez une place gratuite. Oh, vos enfants vont adorer ça. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Reaching out, I call your name, but you're not around. in my head. Darling, I hope that you'll be here when I need you the most. Clean Bandit arrive sur Fun Radio. Avant le Fun Game, c'est l'heure du Fun Beauty de Laurence. Toutes les nouveautés beauté dans le Fun Beauty avec Laurence. Et on parle tatouage, Laurence. Oui, alors j'ai décidé de m'occuper des tatoués qui partent au soleil. Ouais. Donc, comme vous le savez, le tatouage peut se détériorer avec le temps. Ok. Mais aussi avec le soleil. Ouais. Donc, ça va vraiment perdre sa couleur, perdre sa vitalité. Donc, c'est vraiment pas joli du tout. Et donc, une marque a décidé de s'occuper des tatoués et ça s'appelle TattooMed. Ils ont vraiment une gamme complète donc pour se protéger du soleil. Ils ont une protection solaire d'indice 25, une protection solaire d'indice 50 et une lotion d'après soleil. Ouais. Donc, les produits sont aussi vegan et non testés sur les animaux. Donc, c'est vraiment génialissime. Vraiment, c'est vraiment top et c'est super efficace. Mais TattooMed, c'est pas que ça. C'est aussi une gamme de soins complète au quotidien parce qu'ils ont aussi un gel nettoyant, une crème après tatouage et une crème de soins quotidienne. Il faut absolument une crème spéciale pour les tatouages. On peut pas mettre une crème normale. Non, il faut une crème spéciale, d'accord, vraiment un film protecteur et tout pour un maximum le préserver. Mais ils vont encore plus loin avec une gamme de soins après laser. Donc il y a des personnes qui décident d'enlever leur tatouage parce que voilà, ça leur paie plus ou voilà pour je ne sais quelle raison. Et donc ils ont une gamme de 3 produits avec des produits qui permettent vraiment de régénérer la peau plus rapidement, d'éviter les démangeaisons et de la rafraîchir. Ok, donc parfait. La TattooMed, c'est parfait pour les tatoués, il n'y a plus tout, de soucis. Ils ont tout ce qu'il faut chez eux. Exactement. Kaufman dans le Fun Game, on va parler de quoi ? On va parler du retour de la NES. Ça a été annoncé il y a quelques heures. J'ai lu l'info et elle arrive déjà dans le Fun Game. On parlera aussi de FIFA 17, puisqu'il y a des footballeurs pros qui vous apprendront comment jouer au nouveau FIFA. On labourera nos champs ensemble et tout ça, ça se passe avant 20h. Oui, c'est juste après Clean Bandit sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. I tried hard to make you want me, but we're not supposed to be. And the truth will always haunt me, even though it set me free. And my tears flow like the ocean as they floated in the breeze. They were falling in slow motion and they brought me to my knees. Oh, you're haunting me, taunting me, all in my brain. Turn out the light and now all that remains fills me with doubt and I'm shouting your name out loud. Why do you wanna put me through the pain? I get the feeling I'll never escape. I get high and away from the shame of you. Tears on the ground, tears on my pillow. You won't bring me down and I'll get over you. These tears will get me through and I'll get over you. I'll get over you.

game. Entre 17h et 20h, profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. I come around the turn and people stop and stare. I'll make a killing from this change. Snake eyes and sevens, you can feel it in the air. You see your fortune and your fame. Wanna take a spin? Sundance Floor continue avec Alessia Cara. Et attention, si vous êtes sur la route, un radar sur le pont d'autoroute à reflash positionné direction Charleroi, au-dessus de l'autoroute. Donc on fait attention, on respecte bien sûr les limitations de vitesse. Maintenant, c'est l'heure du fun game de Kaufman. Et n'est prêt, Kaufman? Toujours. Allez, c'est parti. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et on parle de Nintendo, si je me trompe pas. Exactement, ils font le buzz, ils continuent à faire le buzz après avoir envahi nos smartphones, que ce soit Android ou iPhone, avec l'application Pokémon Go. Eh bien, ils ont annoncé via leur Twitter aujourd'hui une annonce que personne n'attendait. Le retour de la console NES de Nintendo, ouais, qui revient cette année. Cette console emblématique des années 80 revient en une réplique miniature de la célèbre console donc de salon de Nintendo, avec à l'intérieur déjà 30 jeux préinstallés. Ok, il y a quoi comme jeu? Il y a notamment tous les Donkey Kong, il y a les Mario Bros, il y a les Castlevania, il y a les Zelda dont on parlait il y a quelques jours. Elle sera vendue, bon, on connaît pas encore le prix en Europe, mais aux États-Unis bien, elle sera vendue aux alentours des $100, ce qui est vraiment pas cher pour 30 jeux préinstallés. Elle contiendra aussi un port HDMI, ce qui, okay, si bien que vous pourrez la brancher sur toutes les télés actuelles. Et ça, c'est important. Ah, c'est bien ça, ouais. Et ça sera une réplique miniature. Elle a plutôt le look and feel de l'ancienne console, donc ça fait plaisir. Et c'est la nouvelle jeu vidéo qui fait vraiment le buzz aujourd'hui et qu'on avait envie de vous faire partager. La sortie en Europe est prévue le 10 novembre. Le 10 novembre, très bien. Smart Toys la vendra? Bah, Smart Toys la vendra, probablement. On n'oublie pas de les vendre. Allez, pour la suite, c'est les meilleurs moments de la Power. Et Alessia Cara sur Fun Radio. Find table space to say your social graces by your head. notorious, never switched up. And I never kissed up, so f*** the world, and I got my dicks. Try to say I'm too wild, did my own thing, so f*** the cool crowd. Late nights with the music too loud, I made it this far, and I'm honestly too proud. So if you don't like me, cause I'm an error, I might be. I was raised in the land of hyphy, the world a little different as far as I see. I'm doing me, don't mind me, only one time I'ma tell you kindly. Please fuck off, I don't need you by me, but if you search, then you know where to find me. Don't wanna hang around the in crowd, the cool kids aren't cool to me. They're not cooler than we are. We brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being fine, you ever wild. Oh my baby, alright, oh yeah. Don't mind us, fine, you ever wild. Oh my baby, just fine, don't mind us, fine, you ever wild. Allez, place au meilleur moment de l'Happy Hour, c'est avec Audrey. Écoutez, ça s'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. C'est lui qui boit, mais c'est vous qui êtes saoulé. C'est l'appel bourré de Fab sur Fun Radio. Et on fait des bisous aussi à Yves là, qui nous dit à cause du tunnel Basilique fermé direction l'autoroute, apparemment il y a des câbles qui seraient tombés. Eh ben, bon courage, c'est l'horreur, 30 minutes pour 30 mètres devant la Banque Nationale. Mais c'est ouf ça, qu'il y ait autant de bouchons, hein, sérieusement. Et pour arriver à la radio, il y a un arbre qui est tombé aussi. Je sais pas si t'as vu, t'as pas pris le chemin. Non. En bois de la cambe, il y a un arbre qui est tombé sur une bagnole, c'est T'imagines, cool. T'imagines, tu viens de 2 heures de bouchons, t'arrives près de la radio, tu dis ok, voilà, c'est bon. Et là, t'es bloqué par un arbre. Sérieux? Tu peux vraiment à un moment donné devenir assez agressif. Tu marches quoi. Ouais. Non, mais ça, c'est un concept, hein. Ça veut dire faire du sport, enfin, tout ça, tu sais bien, Fab. Okay. On me dit les appels bourrés de Fab, ils me font des fous rires avec son feu sur la langue. Il n'y a pas de feu sur la langue. Si, un feu sur la langue, ça, quand même. Parce que j'ai bu, alors les syllabes, elles sortent moins bien. C'est ça, ben, voilà. Ouais, parce que vous savez, Fab, maintenant, il boit un petit coup de trop, du coup, il appelle les gens, il est saoul à chaque fois. Ça... A priori, il n'y a aucune raison de les appeler, mais voilà, Fab est là et aujourd'hui, t'as appelé qui? Aujourd'hui, j'ai appelé des strepteaseuses. Des strepteaseuses? Oui, c'est parce que c'est pour l'enterrement de mon grand-père demain. Des strepteaseuses pour un enterrement? Oui, enterrement d'une garçon ou truc comme ça. Normal. Pink Paradise, bonjour. Oui, bonjour madame. Je vous appelle s'il vous plaît parce que je voudrais savoir si vous faites des striptease. Oui, on fait des striptease, des shows burlesques, de la pyrotechnie aussi, des go-go danseuses, oui, tout qu'est-ce ça. Qu'est-ce que c'est la pyrotechnie, madame? C'est des spectacles par le feu. Ah oui, ça peut être intéressant aussi. Parce que moi, je vous appelle parce que j'ai besoin d'une stripteaseuse, s'il vous plaît, pour grand-père, pour demain. Oui, il n'y a pas de souci. Attendez, je vais regarder. Plutôt une brune, une blonde, une asiatique, une métisse. Qu'est-ce qu'il préfère, votre grand-père? Il aime bien les brunes, mon grand-père. Il aimait beaucoup les brunes. Alors, je regarde. Alors, oui, j'aurai une fille disponible demain à 1h du matin. Est-ce que ça vous va? C'est tard parce que il fêtera à l'église à 11h, madame. À 11h, à une église à 23h? Le matin. Le matin, c'est parce qu'on l'enterre demain matin, mon grand-père. Attendez, je pense qu'on parle pas du tout de la même chose. Si, si c'est pour un enterrement, vous m'avez dit. Oui, mais nous, on fait des enterrements de vie de garçon. Des enterrements de garçons qui vont se marier. Vous, on me parlait d'un enterrement de quelqu'un qui est mort. Oui, c'est mon grand-père, le pauvre. Et je sais qu'il aimait bien les brunes et je voulais qu'on lui rende un dernier hommage. Après, je vous cache pas que vous m'avez dit que la fille, elle fait des trucs avec le feu. C'est pas prévu, mais on peut peut-être faire une incinération, si ça vous embête pas. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. C'est une blague. Non, j'espère vraiment que c'est une blague. Non, parce que mon grand-père, il aime bien les filles, madame. Et pour ça, j'ai fait appel à vous. Non, mais c'est vraiment une grosse blague. Monsieur, vous vous prenez pour qui, en fait? C'est un total manque de respect. Vous voulez quoi? Qu'on brûle le cercueil de votre grand-père? Non, mais oui. Vous vous rendez compte, il faut dire. vous voulez qu'on fasse un striptease sur le circuit de votre grand-père, mais vous rendez compte, mais c'est un manque de respect total envers votre grand-père et envers notre profession. Non, mais vous vous rendez compte ou quoi? C'est un vrai métier, hein, c'est pas. Vous parlez beaucoup. C'est parce que je vous explique, mon grand-père, il a toujours aimé bien les femmes, alors c'est pour ça que je me suis dit, je vais lui offrir ça. Mais je veux pas que vous montiez sur le cercueil, hein, c'est trop. Mais je m'en fous, en fait, vous vous rendez compte, vous êtes un malade mental, il faut aller vous faire soigner, monsieur. Moi, je peux pas. Vous vous rendez compte, putain, mais vous prenez pour qui, en fait? Vous êtes un vrai connard, en fait, vous êtes le pire petit fils du monde. Enfin, quelqu'un qui voit clair. C'est pas juste, pas gentil. Alors, on dirait que c'est Youssoufa, en fait, qui fait la blague. Ouais. Parce que lui aussi, il a un feu sur la langue. Il a un feu sur la langue. Ça, ouais. Mais c'est ça, c'est parce qu'il est un peu sillon, Fab. Mais bon, il est mignon, donc. C'est super gentil. C'est super gentil, c'est cadeau. Il y a un auditeur qui dit haha, des stripteaseuses pour mon grand-père, ça, c'est une bonne idée. Eh, les gars, c'est pour la vanne, en fait, pas vraiment ça. C'est dangereux pour leur cœur aussi, après. Ouais, laisse tomber. Bah, du coup, au moins, tu fais des économies, tu vois. Au pire, ça fait de la pyrotechnie, ça fait office de crémaillère. Ah, non, de crémation, tu vois. C'est l'héritage qui paye le striptease. C'est pas con. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour qui va revenir juste après les vacances. Si vous êtes en voiture, je vous propose Calvin Harris pour la suite du son dance floor. Dans quelques minutes, il y aura aussi le Saral Salov, le fun game et le topito du jour. Mais là, c'est les infos. Fun Radio. Solde en cuisine équipée chez Kitchen Market. De 20 à 50% de réduction et déjà une cuisine à moins de 2000 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. 18h, c'est les infos avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. À propos tout d'abord de Wendy, cette jeune utoise de 21 ans assassinée sur l'île de Saint-Martin dans les Caraïbes alors qu'elle faisait un jogging. On apprend via Sud Presse que son meurtrier serait en aveu. Un meurtrier qui aurait le même âge que sa victime, serait originaire de Lille et inconnu de la justice jusqu'ici. Wendy aurait subi des violences sexuelles et aurait été tuée avec un morceau de verre. Le suspect qui faisait également son jogging lorsqu'il a croisé la jeune fille ne donnerait pas d'explication sur son geste fou. La commune de Saint-Gilles à Bruxelles est une des plus sympas qui soient, hein. Ce ne sont pas les habitués du parvis qui me contrediront. Mais bon, elle n'est pas à l'abri de la bêtise humaine non plus. Et c'est ainsi que 9 voitures y ont été incendiées l'année dernière rue Adolphe Demeure. Personne n'a été blessé, c'est bien l'essentiel. Les autorités ont exclu la piste terroriste. C'est vrai que de la part de Daesh, ce sera un petit peu minable comme attentat. C'est donc la piste criminelle qui est privilégiée. Ça semble effectivement être une bonne piste. Les personnes qui ont été arrêtées ce matin dans le quartier européen à Bruxelles n'ont absolument rien à voir avec ça, ou alors ce serait une énorme coïncidence. Mais en fait, ce sont une quarantaine de manifestants anti-TTIP qui ont été arrêtés administrativement près de Schuman. Des gens qui tentaient de bloquer l'accès d'un centre de conférence où se déroulent cette semaine des négociations en vue de ce fameux traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Union européenne. Un traité qui se fait traiter de tous les noms par ses opposants, et ils sont nombreux. Il a dit maintenant que le Royaume-Uni s'apprête à quitter l'Europe, il va être beaucoup plus difficile à conclure. Hein. Et j'ai pu lire ça ou là que certains n'y croient plus en fait. Et en tout cas pas avant la fin de l'année comme l'aurait souhaité le président Obama qui quittera ses fonctions le 20 janvier prochain. Et encore une nouvelle espèce de dinosaure découverte. Bon, quand je dis nouvelle espèce, on se comprend, vu que le bestiau a disparu il y a quand même quelques dizaines de millions d'années. C'est en Patagonie, donc dans le sud de l'Argentine, que le gualicho a été découvert, ou du moins son squelette fossilisé incomplet. Mais les scientifiques pensent qu'il devait peser quelque chose comme 450 kilos, le poids d'un ours polaire. Et même s'il appartenait à une lignée complètement différente, il ressemblait un peu à un tyrannosaure, à savoir qu'il était carnivore et bipède, avec deux bras ridicules. Court, mais les autres dinosaures n'osaient sans doute pas se foutre de sa gueule pour autant. Enfin en football, le dernier classement FIFA qui vient d'être publié est plutôt surprenant, en ce sens que les deux premiers restent dans l'ordre, l'Argentine et la Belgique, soit deux pays qui viennent de vivre une cruelle désillusion. Les Argentins en échouant une nouvelle fois en finale d'une grande compète, la Copa América, et pour ce qui est des Diables Rouges, pas besoin d'entrer dans les détails. En fait, malgré l'euro et son équivalent américain, le top 5 reste inchangé, donc le Portugal n'en fait pas partie, il est juste derrière, à la 6ème place. Notez aussi que le Pays de Galles, 11ème, atteint le meilleur classement de son histoire, et ça au moins c'est logique après son beau parcours en France. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Le Saral Salove dans quelques secondes, un point sur la météo. Carlo, le short est de sortie pour demain? Peut-être pas, non. Ah. Il va faire un peu meilleur, mais si on veut retrouver de vraies conditions estivales, il va falloir attendre le début de la semaine prochaine.

fait sa petite patrouille. Ça se passe en Espagne, dans la région d'Alicante. Ah, Alicante, yeah. Oui, c'est dans le sud de l'Espagne. Et ce policier s'aperçoit au moment de sa tournée que bah, y a un chien. Ouais. Est enfermé dans la voiture. Okay. Seulement, on est en Espagne, on est dans le sud de l'Espagne. Il fait très très très très chaud. Et le problème, c'est que c'est pas n'importe quel chien, c'est un pitbull. Ouais. Les pitbulls, tout le monde le sait, ils sont un peu réputés agressifs, dangereux parfois. Mais le policier n'entend pas en rester là. Il fait quoi ? Le policier brise la fenêtre, sauve le chien, prend avec lui. Oh, le sauveur. Et bim, l'histoire finie. Oh, bah, magnifique. Oh là là. C'est vrai que t'as raison de pleurer, effectivement. Faut faire une petite larme avec ça. Laurence, tu râles, toi ? Ben, moi, ce qui m'a fait grave râler, c'est l'actu, en fait, aux États-Unis. En fait, il y a un robot agresseur de bébé. Ah. Ben ouais, en fait, c'est dans un centre commercial. Donc, c'est un bébé de 16 mois qui se promenait avec ses parents. Comment c'est possible, ça ? Ben, je t'explique. Et donc, c'est un bébé de 16 mois qui se promenait avec ses parents. Et en un coup, ben, il y a un robot, en fait, qui s'occupe de la sécurité dans le centre commercial qui apparaît et qui le pousse et qui l'écrase, en fait. Et ça lui a écrasé la jambe. Et donc, ça lui a fait très mal au bébé. Et en fait, il faut savoir que le robot pesait quand même 136 kilos, qui fait 1m52. Et que voilà, moi, je trouve ça pas normal. J'ai l'impression que tout est de plus en plus robotisé. Et que l'humain, ben, il perd un peu. Il perd un peu son pouvoir sur les robots et qu'un jour ils vont peut-être tous dominer le monde, j'en sais rien. Non, moi ça me fait super peur. Mais il y a des robots qui vont sortir, je pense, non ? Oui, il y a de plus en plus de robots, hein, notamment au Japon, qui est le grand spécialiste en fait de la fabrication de robots. Et maintenant on parle même de leur mettre une espèce d'intelligence artificielle, histoire qu'ils puissent remplacer, je dirais pas, mais entre guillemets. C'est positif pour toi ou pas ? C'est horrible, moi je trouve. Bah, il se substitue un tout petit peu à l'humain dans des tâches qui sont très très difficiles. Donc il y a aussi des bons côtés, c'est-à-dire que on peut se dire bah, dans des travaux très laborieux que eux peuvent prendre la place des hommes, pourquoi pas. OK, très bien, mais les robots sont de sortie, apparemment ils font mal au bébé. Ouais, ils font mal au bébé, moi j'aime pas ça. Pour la suite, ça sera le fun game et le topito du jour, mais là c'est Florida avec Good Feeling sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no, I get a good feeling, yeah. Oh, sometimes I get a good feeling. Get a good feeling, yeah. Son dance floor, c'est Timani qui va vous accompagner. Mais on a des cadeaux pour vous avec Kaufman et la tablette Samsung Galaxy View. Oui, vous aimez les tablettes, vous en avez chez vous ? Non. Non ? Non, j'ai pas de tablette chez moi. Bon, bah c'est pas toi que j'ai parlé alors. Bah, on si, va justement. Vous offrir la plus belle, la meilleure tablette du marché, la Samsung Galaxy View. Elle a un écran 16/9 Full HD, elle mesure 18,4 pouces. Ouais. C'est vraiment le must du must. Alors tu peux non seulement regarder la télé dessus, tu peux streamer des trucs, tu peux installer des apps diverses et variées selon tes goûts. Ok. Elle est franchement topissime, ça fait la taille d'une petite télé, ça vaut quasi 650 €. C'est MediaMarkt Rue Neuve qui nous régale toute la semaine en fait. Ouais, c'est vrai. Puisqu'on n'est pas les seuls à l'offrir. Hein. Il y a aussi le Summer Fun entre 6h et 9h qui vous régale chaque matin. Et pour la gagner, écoutez bien. Vous envoyez Galaxy, G-A-L-A-X-Y, au 6322, c'est 1 € par message envoyé. Et donc, une fois que nous, on fera le tirage au sort, je pense que ça va se passer demain. Hein. Demain, le tirage au sort, effectivement. Ouais. Belle petite fin de semaine. Eh bien, si vous êtes tiré au sort, on vous rappelle. Et la tablette, elle est à vous. Ouais, la tablette qui coûte plus de 650 € pour la gagner, Galaxy, au 6322. À venir, on a le topito du jour, le top 5 des gens insupportables sur Internet pendant leurs vacances, ceux qui postent des photos, etc., etc. On aura également le fun game de Kaufman, on va parler de... Ah bah on va apprendre à jouer au foot mais sur FIFA. Ok, avec des vrais joueurs. Avec des vrais joueurs. Ah intéressant ça, on en parle juste après Imani sur Fun Radio. Cet été, tous les DJs sont sur Fun Radio. The best DJs are on Fun Radio. Maeva Carter, Miko C et Adrien Thomas mixent tous les plus gros tubes et les meilleures nouveautés en non-stop. Welcome in the biggest clubbing. Party Fun. Party Fun. L'émission club de référence en Belgique. C'est sur Fun Radio. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez go, on prend celle-ci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr? Mais y a même pas l'airco, on va crever de chaud. Mais non, attends. On la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok? Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Ah, pour moi, Oui, bonne idée, tiens. Pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, donc, trois... Il y a un problème? Ouais, comment ça s'écrit? Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Hey, c'est moi, Hip. En juillet, rendez-vous dans votre hypermarché Carrefour. Remplissez votre carte épargne et à l'achat d'une place dans le parc d'attractions de votre choix, bam, vous recevez une place gratuite. Oh, vos enfants vont adorer ça. Hypermarché Carrefour, les prix bas, le plaisir en plus. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun. Fun Radio. Le son dance floor. Now

We used to be crazy in love. Can we go back to how it was? When did you get too comfortable? 'Cause I'm too good for that, I'm too good for that. Just remember that. Prends le relais. Avant le fun game de Kaufman, on va parler de quoi dans le fun game, Kaufman ? On va parler d'un footballeur qui va vous donner des conseils pour mieux jouer à FIFA 17, puisque comme c'est une nouvelle édition, il y a des changements, on en parle dans quelques secondes. Ouais, là c'est place au Topito, le top 5 des gens insupportables sur internet pendant leurs vacances. En 5ème position, ceux qui postent une photo de ses pieds à la plage. Ça arrive tout le temps là en ce moment, on a que ça sur le Facebook et c'est agaçant, arrêtez. Mais moi je vois autre chose, c'est les jambes. Ouais, les jambes, que les jambes. Ouais, les knackis, quoi. Ouais, les pieds, c'est pas la même chose. Ouais, les knackis, c'est les knackis. Ouais, la position knackis, ça s'appelle. 4ème position, ceux qui viennent de découvrir la perche à selfie. Alors, ça, c'est une merveille pour certains, mais alors pour nous, c'est agaçant. Ils ont toujours le bras levé comme ça. C'est hyper agaçant. Et en vrai, c'est pas super pratique, moi, je trouve. J'ai déjà essayé, j'en ai une et je l'utilise jamais parce que je sais pas, c'est pas pratique du tout. Ça sert à rien, en fait, c'est un gadget. 3ème position, ceux qui postent des photos Snapchat toute la journée pour te dégoûter. Ils sont à la plage. Ouais, je suis en bikini, je suis à la plage, il y a la mer, il y a le soleil, et nous, on est encore là, on n'est pas en vacances, donc voilà, c'est un peu dégoûtant. 2ème position, ceux qui passent leurs vacances à manger, ils te mettent les plats sur Instagram. Ça, Laurent, tu le fais tout le temps aussi. Ah, je le fais tout le temps. Tu dégoûtes également les gens, il faut arrêter. Hein. Et en première position, ceux qui mettent leur géolocalisation sur Facebook, genre en direct d'Ibiza. Et ouais, moi, je suis Ibiza. Enfin, ce que je retiens de ton topito, c'est que t'es dégoûté de pas être en vacances. Mais non, avec nos auditeurs, on est contents. Ben, exactement, je suis très heureux, mais c'est pour dire qu'il faut arrêter. Ceux qui sont en vacances, il faut arrêter ça, ok. Le fun game est à suivre. Kaufman, on est prêt, on est au taquet. Comme toujours. Allez, on va parler de football et de FIFA, si je me trompe pas. FIFA 17. Allez, c'est après Rehab sur Fun Radio et Maître Gims. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h, c'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio, le son dance floor. Cette semaine chez Lidl, 30% de réduction sur les melons Galia, soit 69 cents pièce. Donnez ces bons fruits pleins de vitamines à vos enfants maintenant. Parce que dans les bières en festival, il n'y en a pas beaucoup de vitamines. Les produits frais de chez Lidl, pour tous ceux qui comptent. Posé et au calme sur Fun Radio. KLM, c'est que du fun entre 17h et 20h. Let me live on the line. I got a little freakiness inside. And you know that the man has got to deal with it. And I don't care what they say. I'm not about to pin nobody's way. 'Cause it's all about the dog in me. Mm-mm. I want a freak in the morning, a freak in the evening. Just like babe. I need a perfect brother that can satisfy me. Just for me. If you are that kind of man. 'Cause I'm that kind of girl. I got a freaking secret, everybody sing, 'cause we don't give a damn about a thing. 'Cause I'll be a freak until the day, until the dawn. We can all through the night to the early morn. Come on and I will take you around the hood on against the lead. 'Cause we can any time of day, it's so good for me. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah.

650 euros. Pour la suite, il y aura le fun game de Kaufman. On va parler de FIFA. Oui, on va vous parler de ce joueur international français qui, bah lui, il perd pas de temps. Hein. Il se fait éliminer de l'Euro. Il a déjà trouvé un autre boulot. Ah. C'est conseiller de FIFA 17. Mais conseiller de tout le monde ou conseiller d'une personne? Non, il va faire le conseiller des joueurs. Ah très bien, ok. On en parle juste après Dimitri Vegas. C'est l'IMAX sur Fun Radio. C'est que du fun jusqu'à 20h. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors? Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai! Qu'est-ce que tu fais? Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Par Idéfix, participe à l'action Collector Astérix aux Jeux Olympiques. Découvre notre box Collector à 4,99€, remboursé en points sur la carte du Fidélité jusqu'au 18 juillet. Dans les supermarchés Matches Match, Louis Delez et dans les hypermarchés Cora. Fun Radio. Fun Radio. When the leaves turn brown, I watch them burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I'll save you, a miracle that was meant for two. I'll save you, you save me, a miracle at every beat of my heart. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. C'est que du fun sur Fun Radio. We'll be right back. Le son Dance Floor continue avec Zach Noël et Sean Paul. Allez, un son qui rappelle les vacances, mais maintenant place au Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Games, avec Kaufman de Smart Toys. Et après l'Euro, on continue de parler foot, parce qu'il y a FIFA qui va sortir. Oui, FIFA sortira donc le 27 septembre sur PlayStation 4, Xbox One, 360, PS3 et PC, ça on l'a déjà dit. Par contre, vu au plus le titre approche, au plus ils essayent de faire monter la pression. Et cette fois-ci, ils ont trouvé un très bon moyen. Ils ont associé le producteur du jeu, un des producteurs du jeu, à savoir Nick Shannon. Ouais. Et ils l'ont associé à qui ? Au joueur français Anthony Martial. Ah oui, le joueur de Manchester United. Exactement, ils ont tous les deux commenté les nouveautés qui seraient présentes dans FIFA 17. Et ils ont même donné des conseils en ce qui concerne comment contrôler la direction et la puissance de la frappe, comment évoluer balle au pied. Enfin bon, s'ils font comme les Français, forcément, ils vont échouer en finale, c'est sûr et certain. Et donc, ça permet aussi de savoir comment varier les combinaisons, la position des coureurs. C'est à consulter sur YouTube, sur la chaîne d'Electronic Arts. Vous connectez, vous tapez, à mon avis, Anthony Martial e-sport et vous allez trouver la vidéo. Encore une info que je viens d'apprendre ce matin. Puis je suis pas censé dire, mais je vais vous la lâcher. C'est quoi ? Sachez que si vous possédez une Xbox One et que vous achetez FIFA, eh bien, vous pourrez jouer une semaine avant la sortie du jeu, puisque Electronic Arts a conclu un accord privilégié, un partenariat privilégié avec Microsoft. Et est-ce qu'on a le prix déjà de la combinaison entre les deux ? FIFA plus la Xbox. Ah oui, il y aura un pack, tu fais bien de le dire. Ouais, c'est un pack, non, tu peux acheter le jeu soit séparément. Ah ok, d'accord. Soit tu peux, effectivement, t'es bien informé, il y a un pack dispo, qui est un pack qu'on trouvera en partie en exclusivité chez Smart Toys et qui sera vendu au prix de 399€. Je peux pas en dire beaucoup plus parce qu'il contiendra la nouvelle Xbox One Slim, mais on vous en reparle très bientôt. Ok, j'ai une question aussi pour Anthony Martial. Pourquoi Anthony Martial ? Il a déjà été choisi parmi les joueurs figurant sur la jaquette ou non, pas du tout ? Je sais qu'il cherche chez quelqu'un qui parle plus ou moins bien. Chez les footballeurs, c'est pas toujours gagné. Pourquoi pas hasard ? Pourquoi pas hasard ? Parce que ça, c'est une vidéo internationale et ils ont choisi Anthony Martial qui, à mon avis, pratique un petit peu mieux l'anglais que Eden Hazard. Ok, très bien. Moi, je pense que ça va être lui sur la jaquette. Je pense que c'est un indice pour déjà les votes qui vont bientôt se terminer, je pense, pour la jaquette. Ouais, mais toi, tu penses au complot mondial aussi. Donc, si on se fie à ce que tu dis, on n'est pas sorti de l'auberge. Peut-être pas. Allez, pour la suite du son d'Ensplore, c'est Zach Noël et Shem Paul et après, il y aura l'Happy Hour, les meilleurs moments. Bubbly. Set it! You see that girl with the big tic-tac, she feel gimme the, head to the floor, girl, gimme the, bend over, girl, and gimme the, spit down to the ground, seismic activity, spin round me, girl, and gimme the, top wine, girl, and gimme the, body look fine, girl, gimme the, coming out, waste some time, girl, gimme the, body look good, girl, you ever be winning it, turn it up right, girl, you never be dimming it, take up your body, cause you're in your element, funny body, me take up a permanent residence. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Rotate your body, come in love, or you're spinning it. Make the trumpets blow. Trumpets comedy. Serious thing it and a comedy, comedy. And them say you have the comedy, comedy. So me won't get some and come trouble, trouble. Bust two back the bubbly, bubbly. Call in two friend and then double, double. Girl so hot she a bubbly, bubbly. And she know when she got she a carry me remedy. Body look good girl you ever be winning it. Turn it up right girl you never be dimming it. Take up your body cause you're in your element. Pony body me take up a permanent residence. Trumpets blow. Place au meilleur moment de la Happy Hour avec Audrey. Là, c'est la chronique de Sandro. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Sandro est parti enquêter. Eh ouais. Parce qu'il y a des artistes sur Fun Radio. Alors, on vous dit leur prénom, leur nom d'artiste. Alors, généralement, ça fait peur parce que le nom qu'ils choisissent, c'est un peu bizarre. Hein. On a droit pour le moment à des noms d'artistes chelous. Hein. Moi, je tiens juste à souligner une petite chose. Vas-y, souligne. Un peu importante quand même, ouais. C'est que c'est moi qui gagne au niveau des points. Pourquoi ? Voilà. C'est vrai. Mardi, il a gagné, donc bon, c'est pas la traîne. Hein. En fait, on vous explique, Sandro, il part à la recherche des vrais prénoms des artistes qu'on passe sur Fun Radio et on essaye de les deviner. Vous pouvez jouer aussi avec nous et c'est vrai que c'est Fab pour le moment qui est en tête, mais bon, ça ne saurait changer. Là, justement, aujourd'hui, je le sens bien, je sens que je vais tout, j'allais dire. Par exemple, un mot, si on me demandait de dire c'est quoi la musique qui passe, moi je saurais le faire. Ça, c'est un. Attends. Oh là là. Je l'adore. Toi aussi adopte une petite Audrey chez toi. Ça change ta vie. Attends. Ça c'est Indiana Jones. Ah, ouais, ouais. Alors qu'est-ce qu'il dit maintenant le fan? Il dit plus rien. Ah bah voilà. Il le retrouve avant toi, il aurait gagné. Donc quand même. Maintenant on se tait et on écoute Sandro s'il vous plaît. C'est parti. Bon alors on va encore jouer à mon jeu, mon grand jeu, devoir reconnaître le vrai nom des artistes. Et oui, et je parle comme un DJ dans les années 80. Mais j'aime bien animer comme dans les soirées, tu vois. Alors donc ce soir je vais donc vous parler d'une super soirée. C'est la soirée disco de Mamie Jacqueline. Wouh, à poil Mamie. C'est quoi le premier artiste? Non, pardon, sérieusement, donc le premier artiste c'est un artiste rap qu'on diffuse pas sur Fun, enfin on a diffusé un titre de lui. D'accord, et qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, faut trouver son vrai prénom. Son vrai prénom. Et son nom de famille. Bah donne-nous déjà son nom d'artiste. Ah, calmez-vous. Oh, vous êtes pressé, vous avez un train à prendre. Ouais. Si je vous dis Booba. Booba. Oh oui, c'est un petit ourson. Non, attends, son vrai prénom. Ah ouais, c'est bien ça. Ah, je connais pas moi. Non, tant que va trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Attends, comment il peut s'appeler? Ça n'a rien à voir avec Booba en fait. Jean-François. Non, ouais, ça doit être un truc du genre. Pas du tout. Marc-Antoine. Non, du tout. John. Désiré. Non. Donne Michel, la première lettre, vas-y. Emmanuel. Enfoiré. Son prénom, il y a juste trois lettres. Ah, trois lettres? Trois lettres. Non, Eric, ça marche pas. Eric. Non. Si quelqu'un le sait, dites-le nous au 3044, hein, joue avec nous. T'as trois lettres en E. Ah, le E. Emmy. Non. L. Non, on y est presque. Ah, Ellie. Ouais. Oui. Alors c'est Ellie Yaffa. Ellie Yaffa. Ellie Yaffa. Ok, d'accord. Comme dans le Roi Lion, le méchant, non? Dans quoi? Dans le Roi Lion, le méchant, Jafar. C'est Ellie Jafar. Excusez-moi, mais. Voilà, Jafar, c'est dans Aladdin, donc tu reviendras quand tu connaîtras tes classes. Le gars, il sert vraiment à rien, quoi. Indiana Jones, oui, un point pour Fab. Donc, un point pour Audrey. On va faire l'inverse. Il y avait un auditeur qui avait trouvé. Félicitations à toi. Heureusement que t'étais là, quand même. Hein. Bon, parfait, on va faire l'inverse. Oui. Je vous donne donc le vrai prénom du chanteur. Oui. Pas fun non plus. Trouver son nom d'artiste. Voilà. D'accord. Si je vous dis Christophe Martichon. La vache. Et on va Christophe rigoler. Maé. Ah ouais, peut-être. Oh là là là. C'est vrai, c'est ça. C'est juste avant ça. Ouais. Il s'appelle Artichon, gars, quoi. Ouh là là, ça fait mal, ça. Ah, hein. Tu m'étonnes qu'il est coupé. Christophe Artichon. Oui, Martichon. Martichon. Il a su écrire son nom de famille à 14 ans. Oh, le pauvre, quoi. C'est pas facile. Bon, là, je pense que Fab va d'office trouver, mais... Non, c'est bon, attends, vas-y, coupe son micro. Oh non, mais je m'en fous, je vais crier tellement fort que ça va aller dans ton micro. Ouais, c'est ça. Audrey, je te donne un indice, c'est un gros, gros rappeur. Mais tu sais, Fab, il l'entend aussi, l'indice. C'est genre, il fait semblant de m'avantager, tu vois. Genre, Audrey, je te donne l'indice, mais tout le monde l'entend. Un gros rappeur. Et il a été dans l'actualité récemment. Ah. Il est revenu dans l'actualité. Ok, vas-y, fais péter. Bah alors, du coup, tu nous donnes quoi? Alors, vous devez deviner son nom d'artiste. Ouais. Et je vous donne son vrai prénom. Voilà, son vrai nom. Alors, si comment il s'appelle? Dépêche-toi. Hein. Ouais. Curtis Jackson. Oh, quoi, ça? Non, 57. Non. Allez. Ah, c'était bon, ça. Candy Shop. Il suçait des sucettes, là. Oui, mais alors les vraies paroles, c'est pas tout à fait ça. Il parle pas tout à fait de sucettes. Ah non ? Il parle de quoi ? Oh, c'est ça, ce suce aussi. Oh non, Fab, sérieusement. Bon, allez, merci Sandro. Avec On a appris des trucs grâce à toi. Merci beaucoup. Merci toi, l'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. L'Happy Hour qui sera de retour juste après les vacances sur le chemin du retour. Je vous propose Martin Solveig. Dans la prochaine heure, je vous propose le jeu du Blackjack. Pour vous inscrire, vous envoyez jeu au 3044. On aura aussi le pourquoi du comment et la question du jour, Laurence. Pourquoi on devient ivre quand on boit de l'alcool? Ok, très bien, la réponse dans quelques minutes. Le fun game de Kaufman. Oui, on va parler d'un jeu assez étonnant qui vous propose de labourer votre champ. Ok, très bien, aujourd'hui c'était news, donc Kaufman, c'est exactement bien ça. Exactement. Très bien, maintenant c'est l'heure des infos, il est 19h. Fun Radio. Fun. Soldes en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, centrale vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. Les idées plein la cuisine. Les infos, c'est avec Carlo. Salut Carlo. Hello David, salut à tous. Hello David, salut à tous. Je souhaite tout d'abord, une excellente fête nationale à mes amis français. Une fête qui aurait sans doute été plus joyeuse encore. Il ne s'était pas passé ce qui s'est passé dimanche soir, mais passons. Et pour ce qui est de notre fête nationale à nous, dans une semaine très exactement, eh bien, elle risque de ne pas être joyeuse pour tout le monde, hein, du côté de la NVA bien sûr, mais ça on s'en fout, et puis de la famille royale aussi. Le Soir Mag nous apprend que nos anciens souverains Albert et Paola ne seront pas présents lors du défilé, mais ça ce ne sera pas une première. Seulement la princesse Astrid non plus ne sera pas là, pas plus que son époux, on ne sait pas pourquoi. La princesse Claire, épouse Laurent, ne daignera pas se déplacer non plus, on ne sait pas pourquoi. Bref, il n'y aura que Laurent aux côtés du couple royal, ce qui ne fait pas très sérieux et ce qui est un peu paradoxal, vu que dans cette famille en général, c'est justement Laurent qui a l'habitude de faire des siennes. Concernant Astrid, il paraît qu'elle supporte mal le fait de manquer de visibilité. On sait aussi qu'Albert et Philippe sont en froid depuis un moment. Philippe qui serait perçu comme un dictateur au sein de la famille. Bref, il y a du réfifi chez les Saxe-Cobourg. Les personnes en surpoids perdent en moyenne un an d'espérance de vie. Et plus ce surpoids est important, plus l'existence s'achève prématurément. Ça peut aller jusqu'à 10 ans en cas d'obésité sévère. Voilà ce que révèle une vaste étude publiée aujourd'hui dans The Lancet. Les résultats de cette étude contredisent donc de récents travaux selon lesquels avoir trop de poids serait en fait avantageux pour la survie. Bref, vaut mieux ne pas peser trop lourd si on veut rejoindre le club des centenaires. Un vrai problème, hein, si on sait que l'obésité est devenue un fléau mondial. Le nombre de cas ayant doublé depuis 1980. Aujourd'hui, 39% des adultes dans le monde seraient en surpoids et 13% obèses. Et alors, si vous êtes trop gros fumeur, buveur et que vous jouez aux billes sur les rails de tram, bah là, l'espérance de vie est particulièrement courte. Il ne doit pas vivre les meilleurs moments de sa vie, j'imagine, l'animateur radio français Jean-Marc Morandini, vu ses petits problèmes actuels. Il est en effet accusé d'avoir organisé et participé à des castings de comédiens nus jusque dans les locaux d'Europe 1 où il bosse depuis 15 ans, mais peut-être plus pour très longtemps noté. Et parmi ses victimes, Chris Bieber, ce vervétois sosie de qui vous devinez. Alors je ne sais pas à quoi va ressembler l'avenir de Morandini, mais dans un monde normal, ça fait sans doute longtemps qu'il se serait retrouvé au chômage. Ce symbole de la télé poubelle, qui a toujours préféré le scoop à la précision, a quand même été condamné plusieurs fois pour avoir bidouillé les chiffres d'audience de son site, histoire d'attirer les annonceurs, ainsi que pour concurrence déloyale. Mais bon, à la radio, il fait de l'audience, et aux gens qui font de l'audience, on pardonne tout. Enfin, dans 3 semaines, début des Jeux Olympiques de Rio, en espérant que tout se passe bien. Et là, je pense au virus Zika qui sévit au Brésil depuis des mois et aux risques liés au terrorisme. À ce sujet, on apprend que la France a été informée d'un projet d'attentat contre certains de ses athlètes. Projet évoqué par le renseignement militaire. pour la délégation française, les conditions de préparation pour ces JO risquent donc de ne pas être optimales. Fun Radio. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur Volkswagen.be. Avant le jeu du Blackjack, inscrivez-vous au 3044 en envoyant le mot jeu. Un point sur la météo et quel temps pour demain, Carlo? La météo pour demain, bien, figurez-vous que le temps redeviendra sec, ça c'est quand même une bonne chose, avec un mercure qui devrait repasser au-dessus de la barre des 20 degrés pour le reste du soleil. Quelques passages nuageux quand même toujours, hein, faut pas déconner. Voilà, tous une excellente soirée, je vous retrouve demain à midi et vous laisse avec David et le son de Martin Solveig. Salut. Fun. Fun Radio. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur Krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Fun. Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son Dance Floor. Tout l'été, 17h-20h, on prend la route des vacances. C'est que du fun sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Et place au Blackjack maintenant, et j'accueille Sébastien qui veut jouer avec nous. Salut Seb. Ça va Sébastien? Ça va, tranquille, et vous? Ouais, salut, tranquille, Kaufman est tranquille, il est posé. Ouais, ça va les gars? Ouais, bien, bien, bien, bien, bien. Je les réveille les deux. Bon, Sébastien, t'as 32 ans, tu viens de la Louvière, c'est bien ça? Tout à fait. et tu viens jouer au jeu du blackjack. Je t'explique le principe du jeu, Sébastien. Je dévoile des cartes une par une. Pour dévoiler une carte, t'as qu'à me dire encore. Et si la somme des cartes est comprise entre 18 et 21, tu gagnes un pack fun. Mais si tu as 21 piles, Sébastien, tu gagnes un jeu vidéo. Ok ? Un jeu vidéo, c'est pas plus mal. Tu m'étonnes. Allez, première carte, Sébastien, c'est un 4. 4, on continue. Bah ouais, on continue. Hein. Ah, forcément, allez, on continue. Ah bah ouais. C'est un 5, ça fait donc 9. 9, ouais. Ça fait 9. Ouais. Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Y a moyen. Optimiste, c'est bien. Allez, on monte tout doucement. On monte. La prochaine carte. C'est pas le con, hein. La prochaine carte, c'est un 8. 9 plus 8, 17. 17, c'est chaud là. Ah, tu fais moins le malin là. Ah, mais ça c'est de ta faute, hein. Fallait tirer une pleutée, t'as fait une grosse. C'est le hasard, mon pote. Sébastien, attention. Ouais, mais bon. Bah écoute, le hasard c'est que bientôt c'est mon anniversaire, tire-moi une bonne carte, une dernière. Dans quelques jours, allez, deux semaines à tout casser, c'est mon anniversaire, fais-moi plaisir. Bah bon anniversaire à la belle. On verra. La carte Merci suivante. Bien. Attention, 17, la carte suivante. Non. C'est un 3. C'est pas ça. Ouh, c'est un 3. Une fois le 20. On a 20. Bah de toute façon, là, ah, c'est bon, que... ça sert à rien. Non, pas si tu diable, hein. C'est bientôt ton anniversaire. Non. On va souffler ta bougie, t'inquiète pas. Tu veux t'arrêter 30, là, Seb. 32 bougies, ouais, c'est sûr. T'as bien raison. Ouais, je m'arrête là. Hein. Bah, très bien, tu gagnes un pack fête, Sébastien, bien joué. Bravo. Bien joué. Ouais, y a pas de soucis, merci bien à vous. Hein. Passe une bonne soirée, Sébastien. Également, et embêtez-vous bien à l'intérieur qui fait bon dehors. Il nous nargue et tout. Merci Seb. Ouais. C'est un petit bon barbecue, Sébastien. Bisous Seb. Ouais, écoute, on n'est pas loin. Si je vais aller manger une bonne pizza chez mon frère, tranquille. Bah, tranquille, elle est à mon aise. Ouais, tout à fait. Allez, passe une belle soirée. Bisous Seb. Bisous, bisous. Merci bien, ciao. On prend tes coordonnées juste en antenne. À suivre le pourquoi du comment et la question, Laurent, c'est quoi? Mais pourquoi on devient ivre en fait quand on boit de l'alcool? Ok, on en parle juste après. Des euros avec Bailar, c'est que du fun jusqu'à 20h. Mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, vamos. Sabrosito, vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Le vamos! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I to travel the world, but I don't have any plans. Wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes. Life's a game made for everyone, and love is the prize. So wake me up when it's all over. So wake me up. C'est le Sundance Floor. Et on a le gros cadeau de la semaine à vous faire gagner. C'est la tablette Samsung Galaxy View. Elle est magnifique, elle est parfaite. 18,4 pouces si je me trompe pas, Kaufman. Exactement. Et après, il y a quoi d'autre? Bah, il y a un écran 16:9 Full HD qui vous permettra de regarder comme à la télévision finalement. Elle est magnifique. Hein. Vous pouvez installer vos applications dessus. Hein. C'est une tablette Android, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ouais. Elle est à gagner. Pour ce faire, vous envoyez Galaxy GALAXY au 6322. C'est 1€ par message envoyé. Et demain, on tire au sort le dernier gagnant de la semaine. Et puis voilà, qui ne tente rien à rien, comme le dit le proverbe. Ouais, allez-y, Galaxy au 6322. Je prends un gagnant demain, c'est sûr. Avant 20h, je prends un gagnant Galaxy au 6322. Allez-y, plus vous envoyez des SMS, plus vous avez de chance de gagner la tablette qui coûte 650€ quand même. Le pourquoi du comment avec la question sur l'alcool. Pourquoi on devient ivre quand on boit de l'alcool? Ouais, à consommer avec modération quand même. La réponse juste après Boosty sur Fun Radio. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. Bye, bye, bye. Bet you wanna taste it. Bye, bye, bye. Bet you wanna hear it.

On continue le son dance floor avec Era et Streffy. Bonne bonne. Avant le fun game, place au pourquoi du comment et la question oui. du jour, Laurence. Pourquoi on devient ivre quand on boit de l'alcool ? Pourquoi on devient ivre alors ? La réponse. Mais en fait, c'est tout bête. C'est une seule molécule qui est en cause et c'est l'éthanol. Donc en fait, l'éthanol, donc, ça se retrouve dans tous les alcools. Ouais. Et donc, quand on boit de l'alcool, ça passe dans notre estomac. Très bien, oui. Donc notre estomac a une paroi assez fine. Jusqu'à là, je comprends, oui. Ok. Et donc du coup, vu que la paroi est très fine, directement, l'éthanol passe dans notre sang. Ok. Si l'éthanol passe dans notre sang, il va jusque dans notre cerveau. Ah, ça remonte après. Exactement. Et c'est là où les problèmes commencent. Ouais. Parce qu'en fait, dans notre cerveau, les neurones, ils se regroupent, ouais. Voilà, ils se regroupent et ils communiquent entre eux. Ok. Et pour communiquer, donc ils s'envoient des messages chimiques. Et c'est là, en fait, l'éthanol vient perturber ces messages. Et donc, okay. du coup, bah, on a des problèmes de comportement et des trucs comme ça. Les neurones, après, sont un peu dispersés, en fait. Ils sont, c'est pour ça. En fait, la transmission du message est totalement perturbée. Ok, ça nous rend un peu fous, un peu alcoolisés, voilà, au final. D'accord, très bien. À mon avis, vous êtes un peu tous les deux bourrés pour parler ça de ça. Un peu comme ça. La consommation d'alcool, bien sûr, avec prudence, hein, les amis, surtout. Exactement. Que le week-end arrive. Et pour la suite, le fun game, on va parler de Marie, on va parler du labourage, du chien. De pizza. Non, de Mario, j'ai compris. On parle de quoi, de Mario, c'est ça? On va parler de champs à labourer. Ah, de champs à labourer, dans quel jeu ça? Pourtant, t'es du milieu, toi. Oui, je suis agriculteur, c'est vrai. C'est vrai. À mes heures perdues. On va vous parler d'un jeu qui échappe à toutes les règles. On l'attendait pas à ce niveau-là. Il se vend à des millions d'exemplaires. On vous parle du tout nouveau Farming Simulator. Et vous peut-être l'attendez. Eh ben, nous, on vous en parle dans quelques minutes. Ouais, dans après, C'est que du fun. Era Istrefi sur Fun Radio, c'est que du fun jusqu'à 20h. Why I'm out to earth. No sé yo te. Es un veto. Se me voy por ti veo. Es de veto ne feo. Se me daño un creo. Se ne van. Bun, bun. Es de nuestros buns, bun. Dun, dun. Bet you wanna taste it. Bun, bun, bet you wanna taste it. Get you to dun, dun, dun. Bun, bun, evidence is buns, bun. Dun, dun, bet you wanna taste it. Bun, bun, bet you wanna taste it. Get you to dun, dun, dun. fell so far. Ça sera Justin Timberlake sur Fun Radio. L'actualité des jeux vidéo, c'est dans le Fun Game. L'actu des jeux vidéo, c'est dans le Fun Game. Voilà. Avec Kaufman de Smart Toys. Je vous l'avais dit. Hein, c'est bien, tu pourrais faire les jingles. En fait. C'est ça. Bon, on en parlait il y a quelques secondes. Vous savez qu'il existe beaucoup de sortes de jeux vidéo. Il y a des jeux de sport, il y a des jeux de guerre, il y a des jeux d'aventure, d'action, il y a des jeux d'action, il y a des jeux de combat. Et de simulation aussi. De simulation. Et saviez-vous qu'il existait aussi un jeu consacré à l'agriculture, aux moissons, aux vaches aussi, non? Il y a quoi? Il y a des animaux ou pas dedans? Écoute, sois pas cochon à ce temps-ci. Mais oui, il y a tout. Il y a effectivement une étable, il y a la ferme, il y a tout ce qui fait les charmes de la ferme réunis en un seul et même jeu vidéo qui s'appelle Farming Simulator. Ça fait déjà quelques années que ce jeu vidéo se vend plus que bien. Hein. Il faut pas croire que c'est une petite sortie. Non, c'est chaque année, un événement, la sortie de Farming Simulator. Alors, évidemment, le petit jeu qu'on se fait d'année en année, c'est de savoir quelles seront les nouveautés. Ouais. Parce alors, que c'est quoi? Tu me diras, la bourrin un champ. C'est vrai qu'une fois que t'es dans le champ, quoi. Ouais, ça change pas grand chose, hein. Ouais. Tu pourrais nous en parler, toi. Ouais, c'est vrai, on peut mettre quoi comme nouveauté? Des nouvelles machines, peut-être? Exactement. Ah, tu vois, je m'y connais un peu. Exactement. Cette année, il y a pas moins de 60 nouveaux tracteurs disponibles. Ah, quand même. Et moi, ce que j'ai appris en jouant, c'est que les tracteurs pour ensemencer sont pas les mêmes que pour labourer. Ouais, ça dépend. Enfin, chez toi, quand t'as plus une grosse exploitation, t'as plein de machines différentes. Ouais. Et donc, c'est pas tout, il y a aussi du modding. Tu sais ce que c'est, du modding? Du modding. Enfin, je cherche pas cette langue. Du modding, je sais pas ce que c'est. C'est en fait des cartes qui sont imaginées par la communauté de joueurs, donc des champs qui sont imaginés. et qui sont mises à disposition de tout le monde. Ok, très bien. Donc tout le monde peut y aller dans le même champ, quoi. Exactement, et voir quelle performance il fait. Parce que l'intérêt, c'est de voir comment tu vas labourer, en quel temps, qu'est-ce que tu vas consommer comme graines, comment tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire bien droit ou est-ce que tu vas le faire labourer, quoi. Mais comment on finit le jeu? Bah on finit jamais le jeu parce que ton exploitation d'année en année, d'heure en heure, bah elle évolue, elle continue à évoluer. Ok, c'est un peu comme Football Manager en fait. Exactement. D'accord. Le prochain opus sortira le 25 octobre prochain, sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4. Et croyez-moi, on n'en a pas fini d'en entendre parler de ce jeu Farming Simulator. Au début, on en a rigolé, hein, et puis maintenant, on les prend au sérieux. Ouais, c'est vrai, sur Smart Toys, ça se vend très très bien. Ah ouais, c'est une très très belle vente. Mais qui achète ce jeu? Est-ce que c'est les fermiers? Est-ce que c'est des jeunes? Je sais pas qui achète ce jeu. Eh ben écoute, un peu tout le monde. Ah ouais, tout le monde? Ouais, ouais. Ah, c'est grand public en fait. Et les jeunes adorent conduire les tracteurs, faut pas croire. Ça les. Je sais pas, ça les inspire de se mettre. Parce que c'est des vrais beaux gros tracteurs, quoi. Ouais, c'est vrai. Merci Kaufman pour ce fun game. Il vous en prie. Très sympathique, merci bien. Demain, on aura la tablette à vous faire gagner, la tablette Samsung Galaxy View. 18,4 pouces, écran magnifique. Il y a une poignée pour la porter. C'est la magnifique tablette. Allez, c'est la plus classe du marché, quoi. On peut pas faire mieux comme tablette. 650 euros. Comment on fait pour s'inscrire, Kaufman? Écoutez, vous envoyez Galaxy G-A-L-A-X-Y par SMS. G-A-L-A-X-Y, oui. C'est ça, G-A-L-A-X-Y. Ouais, c'est bien. Ouais. Galaxy 6322. Allez-y, on prend un gagnant demain dans l'émission entre 17h. Demain? Ouais, demain. Donc si on joue aujourd'hui, demain, on sait quoi? Ouais, demain, on savait la réponse, effectivement. On envoie Galaxy G-A-L-A-X-Y au 6322. C'est ça, exactement. T'as un tout compris. Un euro par message. T'as tout compris, Kaufman. Pour une fois, ça me change un petit peu. On sera de retour demain avec le Saral Salove de Kaufman et Laurence. D'ici là, passez une bonne soirée, les amis. Bonne soirée Kaufman, bonne soirée Laurence. Bonne soirée. À demain, ciao ciao ciao. Bisous. Prenez une bonne dose de fun. Ah. Tout l'été. Dès le matin, réveillez-vous avec Summer Fun. Toute la journée, du son dance floor sans arrêt sur Fun Radio. À 17h. C'est que du fun. Et dès 20h, c'est parti fun. La radio de la teuf, tout l'été, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons qui font vendre. Il y a des sons drôles, il y a aussi des sons bizarres. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. Ricordel avec. Et de la foule qui applaudit. Bravo. Dans la publicité radio, quand c'est l'hiver et qu'il neige, ça fait ça. Ça, ça fait vendre, hein, ça. Alors qu'en réalité, la neige qui tombe, ça fait ça. Et puis, les sons en publicité, c'est jamais vulgaire. Ça, par exemple... On n'entendra jamais en publicité. Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be. Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Fun, Fun Radio. Fun Radio. Fun. Le son. Dance floor. 17h et 20h. Profitez, c'est que du fun sur Fun Radio. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. All through my city, all through my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. C'est passé dans l'Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Et on accueille PE, c'est notre invité aujourd'hui dans l'émission. Salut PE. Hello. Hello. Ça va bien? Nickel, et vous? Ah bah super. PE, il est captivé par un truc, on a la télé dans le studio. Et alors, qu'est-ce qui t'intéresse tant, mon PE? Je regarde Cannes, les vagues, le soleil. Ah, ça fait rêver. L'opposé hein. de notre pays, quoi. Ah ouais, voilà, c'est ça, quoi. Hein, ils font rêver avec le truc du festival de Cannes, avec leurs robes, machin. Oh là là. Ouais, ouais. Pendant ce temps-là, nous, on est à Bruxelles. Non, comme disaient les inconnus, quand on voit ce qui existe, quand on voit ce qu'on se tape. Oui, ok, pardon, j'avais pas vu que t'étais là. J'ai l'impression d'avoir un vieux philosophe, t'es dans le studio, comme disait mon grand-père. Nye, nye, nye. Bon, PE, si t'es là, c'est pour nous parler de ton nouveau spectacle Optimiste. Exactement. Bon, alors, c'est quoi cette histoire? Tu vas parler quoi dans ce spectacle? Dans ce spectacle, il y a trop de S. Dans ce spectacle, dans ce spectacle, il y a quoi? Il y a plein de trucs, je réponds aux questions que les gens se posent le plus souvent par rapport au métier d'humoriste, tu vois, quand Par exemple, il y a quoi comme question? T'es bien payé? Ouais, elle est bien cette question. On te pose quoi comme genre de question? Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est est-ce que tu baises C'est fou. C'est vrai. Bon, c'est plutôt les mecs, mais ouais. Et le mec, et quoi? Et maintenant, t'arrives à te faire plein de gonzesses. Ah, c'est ça. Je fais de l'humour, hein, je fais pas du chant, donc non. Enfin, oui, il y a des filles qui viennent, mais honnêtement, même si elles écoutent, je peux pas peur de le dire, elles sont dégueulasses, quoi. C'est vrai. Ouais. Enfin. C'est franchement, c'est toujours des filles qui font bien. Enfin, bonjour. On va faire un bisou, on va faire une photo. Moi, j'ai même pas ça. Et quoi, elles bavent en venant ou quoi? C'est vraiment un gros cliché, quoi. Non, il y a tout, mais c'est rare qu'il y ait vraiment, tu vois, une bonne biche, quoi. Une biche qui débarque. Bonjour, ouais. Écoute, ça me dirait qu'on aille boire un verre. Je fais, hey, on a vu le même spectacle. Non, pas du tout. Et t'as quoi comme autre question, genre qu'on te pose tout le temps? À quoi tu vas répondre sur scène? Si tu stresses avant de monter sur scène, comment est ton stress? Comment tu gères ton stress? Comment t'écris un sketch? La vache, et ça fait toute mon interview là. tu me poses la question, donc après. Non, mais c'est ça, mais ça fait partie des questions qu'on pose tout le temps aux humoristes. Fab aussi, toi. Parce que Fab, c'est un rigolo aussi, c'est un humoriste. T'es gentil. Ouais, enfin non, moi, on me demande surtout. Waouh, qu'est-ce que il tu est très bon, il fera ma première partie d'ailleurs. Ouais, ah ouais, c'est vrai ça. Ouais. Et qu'est-ce qu'on te demande, toi? Comment ça se fait que t'es là? Allez, sors. Ouais, et c'est moi qui lui dis ça depuis la coulisse. Allez, dégage. Bon, et y a quoi de différent par rapport à ton premier spectacle? T'étais venu nous en parler ici sur Fun Radio. C'est dans le même genre ou rien à voir? C'est plus ou moins dans la même lignée, mais plus calme, moins trash en fait. Tu t'es assagi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Premier spectacle, j'essayais d'un petit peu me découvrir et savoir comment j'avais envie de véhiculer l'humour. Et puis j'ai trouvé des mots qui me correspondaient plus et qui sont, je vais pas dire plus doux, mais c'est vraiment la bonne rigolade d'un bon campagnard qui débarque en ville. Et ouais, parce qu'au final, le trash, c'est chaud quand même, non? C'est. Faut se faire aimer, quoi. C'est pas... Si tu fais ça dans un cinéma, ça peut être dur. Tu peux te faire huer, quoi. C'est ça le truc. Ouais, j'ai un pote, il a été faire une scène, je sais pas si tu connais Funky Fab. Ouais. Il a été présenter un sketch. Et il a vécu un truc que beaucoup vivent, quoi. Il était sur scène, il commence à. Il fait un super passage où il parle des joueuses de tennis les plus moches du monde, ouais, qu'on a nous en Belgique. Ouais. Ouais, les gens vont pas apprécier. Il peut peut-être leur faire. Oh, mais Fab, c'est là. Attends, moi je fais les gens qui te huent. Vas-y, on va refaire la scène. Vas-y, Fab. Hier soir, je jouais et j'ai un passage où j'arrive et je dis ouais, Belgique elle est connue parce qu'on avait deux joueuses de tennis les plus moches de l'histoire du tennis. Et là, ça a commencé les ouh. Ouais, mais c'était quoi? Vas-y, refais le. Ouais, fais la blague. Ben, c'est ça. Donc, on a les deux joueuses les deux joueuses de tennis les plus moches de l'histoire du tennis, Justine et Kim, hein, un croisement entre une mycose et un poney. Et alors là, ouais, comme ça. Non mais vraiment comme ça. Après ils ont rajouté, allez, ça suffit, dégage maintenant. Ouais. Super. Et la famille de Justine était là. Hein. C'est peut-être ça. PE, t'as déjà eu ça ou pas dans tes spectacles? D'un public assez trash comme ça. Un peu difficile. Public quoi. Hostile, j'ai eu public bourré. Donc, public mais ça hostile. C'est sympa parce qu'a priori ils rigolent à tout quoi, non? Eh ben non, parce que le bourré pense être plus drôle que n'importe qui sur Paris. Ah oui, non, ça va pas. Et voilà, là, il a eu tout un raisonnement. Oh, allez, PE, reste avec. L'Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. History, the sun's about to go down, baby. Ooh, I wanna be wherever you are, baby. Ooh, impossible to take it too far. Summer nights, getting high like the first time you and I make it last forever. Summer nights. First time you and I

connectés Fun Radio. Rejoignez les milliers de connectés Fun Radio. Tous les jours, je tweet mes sons préférés. Suivez votre radio préférée. J'adore, franchement, trop bien. Fun Radio sur Twitter.